bien et le match. Tu parles d'amour, ça te fait mal. Tu braques, tu cours, tu prends une balle pour tous les jeunes, t'es qu'un sale. Tu sors dehors, tu te cales. Contre un poteau pour fumer, tomber de peine fumée. Tu parles trop, t'es fumé. Il faut choisir avant d'agir. Tu fais le fier avant de mourir. Tu te niques à date avant de dormir. Mais tu sais pas comment leur dire. Pour eux, t'auras jamais véhiculé ces roues. Car dans ta vie, tu penses qu'au véhicule est au trou. La gaine de café au cou. Ils te prennent tous pour un fou. J'écris encore une fois sur cette boîte pour imprégner toute ma rage. Rendre hommage à tous mes potes en cage. Ce kaharge qui sont morts à la nage. J'ai un maghrébé, je représente mon pays. C'est lui qui dirige ici. Pas le boule ici, viens pas boule ici. Ça coûte de parler à toi aussi. Waouh, waouh. Moi je suis né au bled, mon cerveau se divise en trois. Entre le bled ici et là-bas, car ici y'a que le tarpa. Fasciste, terroriste, faudrait leur casser leurs dents, tous ces tarpas. Ou encore leur mettre un coup de beretta pour niquer les tailles, tous ces fascistes. Quand je pense à tous mes frères qui sont morts à la nage, j'aimerais leur rendre hommage. T'imagines qu'il y en a qui meurent pour venir, on est là. Et nous on est là, c'est comme si on n'était pas là. T'imagines ça, rouya. Nous on habite dans un quartier, y'a pas de snack, ni de meuf. Tu peux même pas faire un smack. Y'a que des couilles comme la soirée à fumer des joints. Et on gèle comme des pingouins. Ouais, ouais. Fafa 83, c'est comme ça qu'on m'appelle. Avec mon pote Yannou, quand ça j'ai de baston, il est vif comme un loup. Avec mon pote Brahim, quand ça j'ai sorti des rimes, il nique le micro, nous on n'est pas des rolotos. Et Thomas, toujours là pour gérer les comas. Dans la vie faut décider, car Dieu est grand pour pas décider. Dans la vie c'est pas mieux d'avoir un CD ou un CDD. Pour rouler en cheport, pour pas traîner sous le cheport. Camille des moulins, cousin. Ouais, ouais, proche. Je fais toujours preuve de rigueur, dans le pire comme dans le meilleur. La rime qui fait battre mon cœur, craquant qu'elle se développe pas en cœur. Mon rap ne sera jamais fracturé, c'est sûr comme ma musique n'est pas facturée. J'ai dit tous mes couplets pour tous les gens de la zone et des quartiers qui bondent pas devant ces pains bêches. Sur ce sujet je m'ébrèche, derrière le mac je suis en ébullition. Et je partage mes opinions, pas pour les bifetons, juste pour abréger ma passion. Ma vocation c'est nous contrôler, tant on le foutra dans un pitcheux état. Pas dans le cul d'un chef d'état roya. Je ne suis pas très de patrie cultivé, je n'ai jamais squatté ces putains de musées. Mais la vie d'ici, je peux te la raconter, c'est pas des comptes pour les petits. Tu sais, respect à ceux qui ont le bac. Et si qu'on ne pas fiché à la bac, mon rêve n'est pas de me faire rival Longoria. Ce serait plutôt de signer un putain de bon contrat. Leur rêve n'est pas prostitué, mais à la vue de mes textes, ils étaient d'incliner pour toi. Ils ne sont pas qu'une méthode. Mais alors, on s'en fout vu que c'est ça qu'on aime pour bien faire le trouble fait. Mais on s'endette et s'entête. La CFRID qui vient de la cité. Toujours là à la fenêtre, pour qu'on ait l'alerte, l'alerte, l'alerte. Avant j'étais à l'école, je shootais les profs. Maintenant je suis à la rue, je me shoote la gueule avec mon gun dans ma chaussette. Alors papa en sucette, car tu m'arrives même pas à la cheville. Demande à Yannou, il te dira que nous on niquait ta repas, ici et là-bas. Ouais, ouais. Enchaîner et niquer tout le monde. Arrêtez de dire que le rap est mort, il n'a jamais été aussi vivant. C'est un putain de rappé, vivifiant ce rap est non stimulant, mon excitant. Vocalement, je te dis ça amicalement, mais je peux te dire calmement pour ceux qui vivent dehors, qu'au pas de montre en or, ça serait l'ironie du sort. Ouais, Farid Brahim Thomas. Ouais, monsieur, ouais, ouais, 83. Ouais, Farid D, qui vient de la cité. Ouais, ouais, l'air, balance.